Oh my God, il est amoureux. Il est amoureux. Tu me fais tourner la tête. On n'est jamais moi, c'est toi. Yes. Oh, sorry, Bernie. Désolé, Bernie. You should restart to drum beat on it. Oh. Ah, l'avion rose, ok. Ok, c'est l'avion rose. Je sais pas sur quelle note tu l'abordes, mais je vais la charger. Je vais essayer de trouver ma voix dessus. Il me dit, c'est Dieu, c'est le Père, il parle tout bas, je vois. from one. On recommence de 1.